moi c'est Nico, N-K-O, je te mets KO. Crado, trapeau, tu prends trop de râteau, raclo. Alors on dit clairement, y'a des corps sous ciment. Pas de temps pour les sentiments, on avance gentiment. Un peu de cesse, un peu de sel, un peu de reste. Une prod fraîche, une autre ère, je suis froid. Qu'il pleuve ou qu'il neige, ça dèche. M'en bats la race, quand je l'ouvre tu traces. Pas de crasse, vas-y, parfait, sans preuve ni trace. Ça c'est du roule, sans pêche ni farine. Qu'est-ce qui t'arrive, je suis pas carré. Les sauts puis Didi, je les mets dans mon casque. Les phrases qui sont racines, je suis parti et assis. Je peux dire que la foule va être folle. Fais gaffe au vol en arrière ou de dol. Ami keuf, ramenez les flashballs, c'est la guerre royale. On veut pas de trop là. Bataille en retrait, c'est lumière ou trou noir. 5-9 warning, 5-9 danger, on crache les jaloux, crache les envieux. Mon vieux, t'en veux pas, sont pour morveux. Du gaz et du feu, des lyrics affreux. 5-9 warning, y'a pas darling. Trace de kef-kef et de farine. J't'engraine, tu t'entraînes, système rengaine, sans gêne. Fais tourner dans les antennes. Représente une région morte, mais en résurrection. Rappeur de Forge 59 va rentrer en action. Le chromie est allumé, le missile est lancé. Le rap est fait pour être écouté et pas trop dansé. Ils disent qu'on est dans l'âge bête. Pourquoi c'est pas un adulte qui a créé ce texte? Le peur à nous ne peut pas gagner le billet. Je suis là pour te terminer, pas le temps de m'embrouiller. On le sait, le monde est beaucoup trop stone. Le désespoir se fait sentir dans tous les hexagones. On devrait se servir du rap comme anticyclone. Moi je charbonne, tu prends le trône, il nous illusionne. Si nous les petites se défoncent à la BE au Sky. Les meufs font de la tectonique, nous on écoute Sky. Le combat, jamais je lâcherai, jamais je l'abandonnerai. C'est bon, tu peux commencer à stigmatiser. 5-9 warning, 5-9 dangereux. Crache les jaloux, crache les envieux. Mon vieux, t'en veux pas, sans pour moi, veux du gaz et du feu. Des lyrics affreux, 5-9 warning, y'a pas d'arrime. Trace de kef-kef et de farine. J't'engraine, tu t'entraînes, système rengaine. Sans gêne, c'est tourné dans les antennes. Tous à moi dit. Le mot c'est mal. Warning, sacre dangereux, craché, jaloux, craché, tant vieux, mon vieux, tant vieux, pointe pour morveux, du gaz et du feu, délire et affreux, sacre warning, y'a pas d'arrière, trace de tête et de farine, j't'engraine, tu t'entraînes, système, rengaine, sans gêne, fais tourner dans les antennes.